Trop de chrétiens demeurent silencieux et négligent de proclamer la vérité la plus importante de l'existence humaine, l'Évangile de Jésus-Christ. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. En tant que chrétien, devez-vous faire des efforts et lutter contre vous-même pour témoigner de votre foi à votre entourage? Vous sentez-vous mal préparé pour présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Êtes-vous préoccupé à l'idée de ne pas connaître suffisamment les Écritures pour transmettre clairement le message de Dieu? Si c'est le cas, vous trouverez dans l'émission d'aujourd'hui, intitulée « La parole de vérité », une source d'enseignement et d'encouragement. Charles Stanley se concentre ici sur la définition de l'Évangile, une définition clairement exprimée dans Colossiens au chapitre 1. Nous espérons que durant les prochaines minutes, vous connaîtrez Dieu d'une façon véritable et personnelle après qu'il vous aura révélé la parole de vérité. Toute personne qui connaît Jésus-Christ personnellement comme son Sauveur comprend au moins une partie de l'Évangile. Ouvrons notre Bible dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 5. « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. » Dans l'émission d'aujourd'hui, intitulée « La parole de vérité », nous verrons d'abord que l'Évangile de Jésus-Christ constitue le fondement de notre foi. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens tentent de nous démontrer leur ouverture d'esprit en proclamant un autre Dieu que le Dieu de la Bible. Or, Jésus-Christ est le seul moyen par lequel nous pouvons parvenir à une véritable connaissance de Dieu, car il dit au verset 6 de l'Évangile selon Jean, chapitre 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et un peu plus loin, au verset 9, il poursuit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et dans Colossiens chapitre 1, verset 15, l'apôtre Paul enseigne que « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Cela ne signifie pas que Jésus-Christ est un être créé, mais qu'il existait avant toute création. Jésus-Christ est l'image, la révélation du Dieu invisible. Tous les croyants doivent comprendre que, s'ils ont été sauvés par la grâce de Dieu, ils ont été sauvés parce que quelqu'un leur a témoigné de l'Évangile de Jésus-Christ, ou qu'ils ont lu la proclamation de son message dans un traité ou dans la Bible. Nous avons entendu ce message, et nous avons été convaincus. Personne n'a été sauvé sans avoir pris connaissance de l'Évangile de Jésus-Christ. Or, sans la mort expiatoire, sacrificielle, adéquate et substitutive de Jésus-Christ, il n'existe plus aucun espoir d'être agréable à Dieu, car notre péché n'est pas pardonné. L'Évangile est le fondement de notre foi et le message de la vérité. L'apôtre Paul dit une deuxième chose importante dans le premier chapitre de Colossiens au verset 4. « Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. » Que nous enseigne la Bible sur l'amour du croyant? Jésus nous dit dans Jean, chapitre 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et encore, dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 7 à 10, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Si une personne connaît Dieu, nous en verrons l'expression par une vie caractérisée par un amour sincère. Versets 8 à 10. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous n'avons pas aimé Dieu en premier. Aucun homme ou aucune femme n'a pris l'initiative d'aimer Dieu sans être tout d'abord aimé par lui. Dieu nous a aimés en premier, car, comme le dit Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour pour nous en envoyant son Fils, Jésus-Christ, mourir pour nous, quand nous étions encore rebelles envers lui. Comment pourrions-nous comprendre ce qu'est l'amour véritable sans la parole de Dieu? Car tout amour véritable se trouve enraciné en Dieu. Et quand une personne apprend à aimer Dieu, il lui est beaucoup plus facile ensuite d'apprendre à aimer ses semblables. Revenons au premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, versets 4 et 5. « Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. » Nous parcourons maintenant plusieurs passages des Écritures, car je dois vous persuader que ce que je vous enseigne sur la vérité ne vient pas de moi, mais de la parole de Dieu. Commençons par 2 Corinthiens chapitre 1, versets 9 et 10. « Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. » Ensuite, revenons une autre fois au premier chapitre de Colossiens, versets 23 et 27. « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Par l'espérance de la gloire, nous devons comprendre l'espérance que nous avons de devenir les personnes que Dieu veut que nous devenions, et l'espérance d'aller au ciel. Le Seigneur Jésus, vivant en nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit, nous confère cette espérance de nous retrouver un jour au ciel. Toute autre espérance est dénuée de fondement. Voilà en quoi la foi chrétienne est unique. Tous les adeptes des autres religions du monde essaient de performer de façon à plaire à leur Dieu et de le manipuler afin qu'il les accepte à cause de leurs bonnes actions. Et toutes les autres religions du monde forcent leurs adeptes à vivre dans l'angoisse et l'incertitude, car comment pourrait-on savoir si on a assez bien agi dans notre vie sans jamais enfreindre une seule loi ou une seule règle, ce qui nous disqualifierait aux yeux de ce Dieu, nous laissant ainsi sans aucune espérance? Il n'existe donc absolument aucune espérance et aucune assurance à l'extérieur du message évangélique de Jésus-Christ, ce même Jésus-Christ qui est mort sur la croix en payant entièrement la dette de vos péchés. Par sa mort, Jésus a pris votre place et il a subi à votre place le juste châtiment de Dieu pour vos péchés. Là, et là seulement, réside notre seule espérance d'être accepté par Dieu. Car sans l'Évangile de Jésus-Christ, toute espérance n'est qu'illusion. Nous avons premièrement dit que l'Évangile est le fondement de notre foi et deuxièmement que cet Évangile est notre raison d'aimer. Notre espérance est basée sur lui. Voyons maintenant comment, troisièmement, l'Évangile est l'explication de notre grâce. Lisons le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens au verset 6. Il, l'Évangile de Jésus-Christ, est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, ou si vous croyez vraiment plaire à Dieu en vous asseyant sur un banc d'église semaine après semaine sans n'avoir jamais compris le message de l'Évangile, écoutez bien ceci. Vous devez absolument comprendre que vous ne pourrez jamais agir, assez bien agir et accumuler suffisamment de bonnes actions pour gagner le ciel. Car quand vous serez devant le trône de Dieu au jour du jugement, il ne pèsera pas le bien et le mal que vous aurez fait dans votre vie. Aussi, vous devez premièrement prendre conscience de votre véritable état de santé spirituelle. Vous êtes spirituellement mort aux choses de Dieu. Voilà votre problème. Vous êtes mort spirituellement. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. En d'autres mots, votre esprit est mort aux choses de Dieu. Vous n'avez aucun amour véritable pour Jésus. Vous ne sondez pas à la parole de Dieu. Vous n'avez aucun désir d'apprendre les leçons des Écritures. Vous ne croyez pas en Jésus-Christ et vous ne lui faites pas confiance. Vous ne lui obéissez pas parce que vous ne le connaissez pas et vous vivez donc indépendamment de Dieu. Voilà à quoi votre vie ressemble aux yeux de Dieu si vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Si vous croyez être capable de plaire à Dieu en accumulant les bonnes actions et en agissant assez bien, vous ne comprenez rien à la grâce de Dieu. Si c'est votre cas, vous vous bercez d'illusions. La grâce de Dieu est une faveur dont la seule motivation est l'amour inconditionnel de Dieu pour vous. Il est accordé aux pécheurs afin qu'ils puissent être sauvés. Et cette grâce a trouvé son expression ultime et parfaite sur la croix de Jésus-Christ. Regardons maintenant Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, les bonnes actions, afin que personne ne se glorifie. » Personne ne peut se vanter d'avoir mérité la grâce de Dieu, car alors ce ne serait plus une grâce. La vérité toute simple est qu'un homme mort ne peut rien faire pour améliorer sa condition. Et un homme spirituellement mort ne peut rien faire pour mériter le pardon de Dieu. Rien. Et Dieu, sachant que nous ne pouvions en aucun cas être pardonnés de nos péchés en agissant par nos propres moyens, parce que nous sommes tous pécheurs, a pris l'initiative. Il a envoyé dans le monde son Fils uniquement engendré, Jésus-Christ, et il a placé sur lui toute la dette de nos péchés. Comment notre état de péché et de mort spirituelle pourrait-il passer inaperçu aux yeux d'un Dieu omniscient? Pourrait-il soudainement se dire « Oui, c'est vrai, les hommes sont tous pécheurs, mais après tout, bof, ce n'est pas si grave. » Dieu dit-il toujours la vérité? Tient-il toujours ses promesses? Peut-il changer d'idée? Peut-il commettre une erreur? Peut-il oublier l'avertissement qu'il a livré à Adam s'il mangeait du fruit défendu? Peut-il tout simplement oublier les conséquences de ce geste qu'il avait clairement communiqué à Adam? Dieu peut-il faire exception à sa parole tout en demeurant immuable et juste? En tant que descendants d'Adam, nous sommes tous pécheurs, et nous sommes tous sous la malédiction du péché qui est la mort. Nous ne pouvons en aucun cas nous sauver nous-mêmes. Nous étions morts et nous n'avions aucun désir pour les choses de Dieu. Nous ne pouvions jamais agir assez bien pour être acceptés par un Dieu saint dans notre état pécheur. Nous ne pouvions pas mener une vie sainte et sans péché devant Dieu. Or, dans sa grâce, en considérant notre état désespéré, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ et il a placé sur lui tous nos péchés. Dieu est juste, et il avait promis dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, « L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. » Il a donc placé le péché de l'humanité sur Jésus-Christ, et quand Jésus-Christ est mort, il a littéralement payé la dette de nos péchés passés, présents et futurs. Cependant, nous devons bien comprendre une chose. Par le sacrifice de Jésus-Christ, nous pouvons être sauvés, mais nous devons profiter de cette occasion pour être effectivement sauvés. D'un côté, Dieu est juste et il ne peut pas laisser le péché impuni. D'un autre côté, Dieu nous aime et il veut nous sauver. Il a résolu ce problème en transférant nos péchés sur son Fils Jésus-Christ et en le faisant ensuite mourir sur la croix. La dette de notre péché devait être payée soit par nous, en étant éternellement séparés de Dieu, soit par son Fils, Jésus-Christ. Et comment pouvez-vous vous assurer que c'est Jésus-Christ qui paye la dette de votre péché? Vous pouvez le faire en acceptant le fait que la mort de Jésus sur la croix constituait un paiement adéquat pour vos péchés. Dieu se réconciliera avec vous et pardonnera vos péchés seulement quand vous recevrez Jésus-Christ personnellement comme votre Sauveur. Je vous encourage sérieusement à songer à ceci. Comment vous tiendrez-vous devant le trône du jugement de Dieu si vous n'avez rien d'autre que vos péchés et vos bonnes actions? Considérez seulement ceci. Si vos bonnes actions pouvaient vous garantir une place au ciel, pourquoi Dieu aurait-il envoyé son Fils unique sur la terre afin de l'envoyer sur la croix? Un Père parfaitement bon aurait-il arbitrairement décidé de faire ainsi souffrir son Fils s'il y avait eu un autre moyen? C'est pourquoi Jésus-Christ a payé la dette du péché de l'humanité. Il voulait que toute personne qui vit sur la surface de cette terre et décide personnellement de profiter de cette offre de salut puisse être sauvée, voir ses péchés, lui être pardonné et aller au ciel après sa mort physique. J'entends parfois dire « Moi, je crois que Dieu est dans la nature » ou « Je crois que nous sommes tous des dieux ». Mais si vous voulez comprendre la grâce de Dieu, essentielle à votre salut, vous devez vous plonger dans la Bible et comprendre que la grâce de Dieu s'exprime dans l'Évangile de Jésus-Christ et dans sa mort expiatoire sur la colline du Calvaire. Et quand vous aurez personnellement reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur, vous comprendrez alors la grâce de Dieu. En fait, l'homme est tellement rebelle envers Dieu qu'il n'aura aucun désir d'être sauvé si Dieu n'inscrit pas ce souhait dans son cœur. Et dans son épître aux Colossiens, l'apôtre Paul rend grâce à Dieu, car les Colossiens ont compris la grâce de Dieu dans la vérité. J'aimerais revenir une dernière fois sur ce passage de Colossiens, car il est écrit que l'Évangile ne nous donne pas seulement une explication de notre grâce, mais il nous donne aussi un message pour notre vie. Je ne connais rien de plus stimulant et d'excitant que de parler de ce Dieu qui habite à l'intérieur de chaque croyant. Jésus-Christ, l'image visible du Dieu invisible, vit en nous, car c'est maintenant sa vie que nous vivons. La Bible affirme que Jésus-Christ est devenu notre vie et que nous sommes en route vers le ciel. Et nous pouvons prendre en chemin toute personne intéressée au message que nous livrons. Le peuple de Dieu devrait être passionné à l'idée de témoigner de l'Évangile. Personne d'autre au monde ne possède la vérité qui nous a été confiée par Dieu. Personne au monde ne possède un Dieu comme le nôtre. Et nous n'avons qu'à ouvrir la télévision pour nous en convaincre, en voyant ces terroristes commettre des crimes affreux, en espérant plaire ainsi à leur Dieu. Mais nous avons un Dieu qui aime ses créatures et qui souhaite qu'aucune d'elles ne périsse, mais que toutes arrivent au contraire à la repentance. Nous avons un Père céleste qui nous aime et nous accepte, non pas en considérant notre performance, mais notre relation avec son Fils, Jésus-Christ. Nous devrions crier notre privilège sur tous les toits à travers le monde. Trop de gens parmi le peuple de Dieu préfèrent se tenir tranquilles quand il vient le temps de témoigner de la vérité la plus importante de toute vie, l'Évangile de Jésus-Christ. Comment notre bouche peut-elle demeurer fermée quand nous pouvons répandre la meilleure nouvelle au monde? Comment pouvons-nous rester discrets et avoir honte de l'Évangile de Jésus-Christ? Pouvez-vous me dire une chose à propos de Jésus qui vous fait honte, une seule? Trop de gens viennent s'asseoir le dimanche sur leur banc d'église après avoir eu peur pendant toute la semaine de proclamer le nom de Jésus. Ils vous diront qu'ils croient en Dieu. Or, ce n'est pas de Dieu qu'il faut parler, mais de Jésus-Christ. Je ne dis pas cela pour diminuer notre Père éternel. Il sait ce que je veux dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens aujourd'hui se proclament de Dieu en pratiquant toutes sortes de choses, comme les cultes plus ou moins sataniques, le vaudou, la sorcellerie. Ils nous parlent tous de Dieu, de leur Dieu. Or, quand vous commencez à leur parler de Jésus-Christ, les gens autour de vous qui ne connaissent pas personnellement Dieu deviennent soudainement très mal à l'aise. Personne ne se sent mal à l'aise en parlant de Dieu. Cependant, si vous commencez à leur parler de Jésus-Christ, ils deviennent très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, né d'une vierge et mort pour nos péchés. Il est le Dieu qui jugera un jour les perdus et récompensera les enfants de Dieu. Et les hommes pourront toujours le critiquer et tenter de le ridiculiser. Un jour, ils devront tous rendre compte de leur incrédulité. Jésus-Christ sera un jour votre juge, mais aujourd'hui, il peut encore être votre ami. Et c'est le genre de bonne nouvelle que toute personne sur la surface de cette terre a besoin d'entendre de nos jours. Jésus-Christ est la source de toute notre espérance. Il est la raison de notre amour et le fondement de nos convictions. Il est notre vie. Je dois poser cette question à tous les croyants et à toutes les croyantes qui écoutent cette émission. Pourquoi auriez-vous honte de Jésus-Christ? Avez-vous une seule raison? Considérez ceci. Vous avez placé tout votre avenir éternel et sans fin entre les mains de Jésus-Christ. Et vous voulez me dire que vous avez honte de parler de lui à vos collègues de travail? J'ai rencontré des parents qui ne veulent même pas parler de Jésus à leurs enfants. Pourtant, Jésus est la seule personne capable de prendre ses enfants et de les conduire au Père Céleste afin qu'ils restent avec lui pour l'éternité. Il est au ciel, en ce moment même, occupé à nous préparer une place. Et nous aurions honte de lui? Nous pouvons avoir honte de beaucoup de choses, mais pas de Jésus-Christ. Et vous qui ne croyez pas en lui, pourquoi ne voulez-vous pas lui faire confiance? Auriez-vous peur de la réaction des gens autour de vous? Dans ce cas, je puis vous garantir qu'au jour du jugement, vous n'accorderez plus aucune importance à l'opinion des gens. Or, il sera trop tard, comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 26. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. » Mais si vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur, vos amis pourrait vous critiquer. Vous en perdrez peut-être quelques-uns, mais, d'un autre côté, vous gagnerez Dieu et tout ce qu'il possède, car tout cela vous sera accordé si vous êtes disposé à demander au Seigneur Jésus-Christ de pardonner vos péchés et à le recevoir personnellement comme votre Sauveur. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Vous n'avez qu'à écouter cette prière et lui donner l'accord de votre cœur. Père éternel, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi mes péchés. Je crois maintenant que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Je le reçois aujourd'hui, personnellement, comme mon Sauveur, et je lui donne ma vie. Si vous avez adressé cette simple prière au Dieu Tout-Puissant, votre Père et le Père de Jésus-Christ, notre précieux Seigneur vous a sauvé à la seconde même. Il n'a pas besoin d'enquêter sur vous ou de vous examiner. Vous n'avez aucun formulaire à remplir. Vous pouvez être sauvé en faisant confiance à Jésus-Christ. Et la meilleure nouvelle que le monde puisse recevoir se trouve dans le cœur de chaque personne qui croit en Jésus-Christ. Prions. Père, nous te rendons grâce pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons de bonnes raisons de chanter que son nom est merveilleux. Il est notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, celui en qui nous avons mis notre confiance. Nous te remercions et nous te glorifions, car il est adéquat pour toutes choses. Nous te demandons aujourd'hui que ceux et celles qui ont entendu cette émission et ne te connaissent pas encore puissent admettre et confesser leur état de péché, mettre leur confiance en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, et laisser le travail transformateur de ta grâce accomplir son œuvre. Je te glorifie, Père, parce que ton Fils est absolument, totalement et complètement adéquat pour toute œuvre, dans la mort comme dans la vie. Nous te prions en son nom. Amen. Prenons garde à nos pensées, car nous finissons toujours par ressembler à l'objet principal de notre pensée. Dieu nous a donné une révélation écrite de sa personne. Permettons donc à cette puissante parole de vérité de transformer notre vie et de renouveler notre pensée. Nous trempons chaque jour dans l'amour de Dieu, même si cela est parfois difficile à ressentir pendant les moments d'épreuve et de difficulté. Et Dieu a prouvé la vérité de son amour pour ses enfants en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir pour leurs péchés. Jésus-Christ est mort pour des pécheurs qui le méprisaient et qui méritaient 1000 fois l'enfer. Même au cours de sa passion, il se dégageait de Jésus une force qui impressionnait. Pilate était gouverneur de la Judée. À ce titre, il avait droit de vie et de mort sur tous les Juifs. Or, il voyait chez ce prédicateur itinérant, ce Jésus, quelque chose qui l'incitait à vouloir le sauver. Pilate savait qu'il avait devant lui beaucoup plus qu'un va-nu-pied. Lorsqu'il a dit à Jésus qu'il avait le pouvoir de le relâcher ou de le crucifier, ce dernier l'affronte en disant dans Jean, chapitre 19, verset 11, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Et notre Seigneur s'est montré assez convaincant pour que Pilate fasse tout, dès lors, pour le faire libérer. Ce n'est donc pas par faiblesse, mais par amour que le Fils de Dieu s'est laissé crucifier. Et pendant qu'il mourait atrocement sur la croix, ses ennemis poussaient la cruauté jusqu'à se moquer de lui, comme l'indique Matthieu, chapitre 27, versets 40 et 42. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. » Or, Jésus, malgré sa douleur, loin de les maudire, disait, comme le rapporte Luc, chapitre 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » D'un côté, nous avons des hommes que le péché rend haineux, cruel et méprisant, et de l'autre, un homme que la puissance divine pousse à aimer et à tout pardonner. S'il existe, dans toute l'histoire de l'humanité, une plus magnifique preuve d'amour inconditionnel, j'aimerais bien la connaître. Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ, qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.